En arrivant, je fus arrêté à la grille, et me sentant hors d'état de faire un pas, j'envoyai le postillon dire qu'un étranger demandait à parler à M. de Volmar. Il était à la promenade avec sa femme. On les avertit, et ils virent par un autre côté, tandis que, les yeux fichés sur l'avenue, j'attendais, dans des transes mortelles, d'y voir paraître quelqu'un. À peine je limitai l'aperçu qu'elle me reconnut. À l'instant, me voir, s'écrier, courir, s'élancer dans mes bras, ne fut pour elle qu'une même chose. À ce son de voix, je me sens tressaillir. Je me retourne. Je la vois, je la sens. Oh, Milord, oh, mon ami, je ne puis parler. Adieu, crainte. Adieu, terreur, effroi, respect humain. Son regard, son cri, son geste me rendent en ce moment la confiance, le courage et les forces. Je puise dans ses bras la chaleur et la vie. Je pétille de joie en la serrant dans les miens. Un transport sacré nous tient dans un long silence étroitement embrassé. Et ce n'est qu'après un si doux saisissement que nos voix commencent à se confondre et nos yeux à mêler leurs pleurs. M. de Volmar était là. Je le savais, je le voyais. Mais qu'aurais-je pu voir? Non, quand l'univers entier se fut réuni contre moi, quand l'appareil des tourments m'eut environné, je n'aurais pas dérobé mon cœur à la moindre de ses caresses, tendre prémisse d'une amitié pure et sainte que nous emporterons dans le ciel. Cette première impétuosité suspendue, Julie prend Saint-Preux par la main et le présente à son mari. Échange de compliments, les deux hommes s'embrassent et Julie, ayant pris Saint-Preux sous le bras, les trois personnages se dirigent vers la maison. Ce fut alors qu'en contemplant plus paisiblement ce visage adoré que j'avais cru trouver en Lady, je vis, avec une surprise amère et douce, qu'elle était réellement plus belle et plus brillante que jamais. La petite vérole n'a laissé sur ses joues que quelques légères traces, presque imperceptibles. Au lieu de cette pudeur souffrante qui lui faisait autrefois sans cesse baisser les yeux, on voit la sécurité de la vertu s'allier dans son chaste regard à la douceur et à la sensibilité.